1909 de Alcool de Guillaume Apollinaire. Enregistré pour LibriVox.org. 1909. La dame avait une robe en ottoman violine, et sa tunique brodée d'or était composée de deux panneaux s'attachant sur l'épaule. Les yeux dansant comme des anges, elle riait. Elle avait un visage aux couleurs de France, les yeux bleus, les dents blanches et les lèvres très rouges. Elle avait un visage aux couleurs de France. Elle était décolletée en rond et coiffée à la Récamier, avec de beaux bras nus. N'entendra-t-on jamais sonner minuit? La dame en robe d'ottoman violine et en tunique brodée d'or, décolletée en rond, promener ses boucles, son bandeau d'or et traîner ses petits souliers à boucles. Elle était si belle que tu n'aurais pas osé l'aimer. J'aimais les femmes atroces dans les quartiers énormes où naissaient chaque jour quelques êtres nouveaux. Le fer était leur sang, la flamme leur cerveau. J'aimais le peuple habile des machines. Le luxe et la beauté ne sont que son écume. Cette femme était si belle qu'elle me faisait peur. Fin du poème. Enregistré par Linda Olsen-Feitak, Los Angeles. Cet enregistrement fait partie du domaine public.